Est-ce qu'on ne chercherait pas à diminuer durablement notre sentiment spirituel par des armes biologiques qui modifient la conscience et par la vaccination obligatoire de masse? Avec cette question, je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle émission depuis notre studio de Sarrebruck. Bonsoir. Il ressort d'une vidéo de 2005 qui a filtré du Pentagone et d'un autre document, Quarterly Funvax Review, du 1er juin 2007, que dans le cadre d'un projet du nom de Funvax, des expérimentations sur l'homme auraient eu lieu depuis au moins 8 ans avec des vaccins qui modifient la conscience. Depuis 2007, ou même avant, des virus transgéniques des voies respiratoires auraient été propagés comme une pandémie par ces vaccins. Ce document évoque les méthodes suivantes utilisées pour tester la propagation. La dispersion à haute altitude, chemtrails, la dispersion par l'eau, la transmission par des insectes, la propagation par un objet sur le sol, comme un véhicule ou une bouteille, et la propagation d'infections par l'alimentation, la viande ou les fruits et les légumes. Lors d'une infection des voies respiratoires, ces virus, après avoir passé la barrière hémato-encéphalique, inhiberaient ou diminueraient les prédispositions génétiques, surtout spirituelles. En faisant cela, on vise notamment le gène VMAT2, qui a la réputation, selon les biologistes moléculaires, d'être le gène responsable pour les sensations et les expériences spirituelles et religieuses de l'homme. Si ces déclarations correspondent à la vérité, il s'agirait d'une vaccination forcée dans le but de manipuler de manière ciblée justement les personnes spirituelles et religieuses. Ne restez pas passifs face à de telles informations et ne soyez pas spectateurs de ces décisions sans rien faire. Chacun de nous peut faire bouger quelque chose. Au revoir.